Et maintenant, je voudrais qu'on se penche un moment sur les mots français en ité, comme quantité, qualité, etc., qui en anglais finissent en été, ity. Alors, si par exemple quantité se dit quantity, comment dira-t-on possibilité en anglais? Possibility. Possibility, en frappant la syllabe B, possibility. Alors, au pluriel, possibility donnera possibilities, avec IES à la fin, prononcé is, tout comme le mot cities que nous avons vu précédemment. Bien, alors maintenant que vous connaissez le pluriel de possibility, comment direz-vous il y a beaucoup de possibilités différentes? Comme vous le savez déjà, pour dire il y a dans le sens d'être présent, d'exister, on emploie there is si ce qui suit est un singulier et there are si c'est un pluriel. Alors, il y a beaucoup de possibilités différentes. There are a lot of different possibilities. There are a lot of different possibilities. Et maintenant, comment direz-vous l'humanité? En anglais, on dira humanité tout court, donc sans le the. Humanity. Humanity, oui. Et donc, si hope est le mot anglais pour espoir, hope, Hope, comment direz-vous, c'est une source d'espoir pour l'humanité? Le mot source est le même dans les deux langues. It is a source of hope for humanity. It is a source of hope for humanity. Humanity. Et personnalité, se dira? Personality. Personality, c'est ça. Et à la différence du français, le mot ne prend qu'un seul N, tout comme les autres mots de la même famille, comme par exemple personal et personally, qu'on avait déjà évoqués. Et comment dira-t-on je n'achète que la meilleure qualité? En anglais, on dira je seulement achète la meilleure qualité. Et sachant que seulement se dit only, ONLY, only. Et pour dire meilleur, on emploie best, BEST. Nous y reviendrons plus tard. Alors encore une fois, je n'achète que la meilleure qualité. Littéralement, je seulement achète. I only buy the best quality. I only buy the best quality. Oui. Alors prenons un dernier exemple. Si pendant se dit during, D-U-R-I-N-G, pensez au mot français durant, et si vacances se dit holidays, Holidays, comment direz-vous, pendant mes vacances, j'ai rencontré des gens de beaucoup de nationalités différentes? Vous connaissez peut-être déjà le verbe rencontrer, qui est to meet, M-2-E-T, to meet, et sa forme irrégulière au passé, met, M-E-T. Alors reprenons le début de notre phrase. Pendant mes vacances, During my holidays. during my holidays, j'ai rencontré des gens, et on avait déjà vu que pour parler de gens en anglais, on emploie le mot people, toujours au singulier. C'est le même mot que peuple. Donc people au singulier et employé sans rien devant. People tout court correspond à les ou des gens. Alors, j'ai rencontré des gens. I met people. I met people, j'ai rencontré des gens, oui, de beaucoup de nationalités différentes. Donc en anglais, on dira de beaucoup de différentes nationalités. Mais à ce stade, je n'ai probablement plus besoin de vous le rappeler. Et veillez à prononcer correctement le pluriel de nationalité en anglais. Alors, de beaucoup de nationalités différentes. Of a lot of different nationalities. Of a lot of different nationalities. Right. Alors, reprenons la phrase en entier. Pendant mes vacances, j'ai rencontré des gens de beaucoup de nationalités différentes. During my holidays, I met people of a lot of different nationalities. OK. Et maintenant, je voudrais l'entendre dire par notre ami américain qui va nous faire découvrir le mot pour dire vacances en anglais américain. Vacation. Tout à fait. Car en anglais américain, vacances se dit vacation, vacation, vacation, au singulier. During my vacation, I met people of a lot of different nationalities. Donc ici, on parle de holidays au pluriel en anglais britannique et de vacation au singulier en anglais américain. Mais watch out! Holiday sera en revanche utilisé au singulier dans l'expression en vacances, on holiday. Dans tous les cas, que vous utilisiez holidays ou vacation, vous serez compris des deux côtés de l'Atlantique. Ou comme aimait le dire Michel Thomas, la balle passe au-dessus du filet.